sûr de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Donc bonjour, c'est bien sur RKB pour Enter Brezonek. Alors comme d'habitude, on commence par Gariou Arvué. Aujourd'hui, Triran Hwev à Enterkamp. Quel mot aujourd'hui, Henri? Oui, alors aujourd'hui, donc on est en direct de Pumrid et on va parler d'une expression. Alors c'est une expression qui est dérivée d'un verbe qu'on connaît bien, plijout. On en a déjà parlé. On va quand même rappeler un petit peu cette histoire-là. Et puis on va parler de l'expression miblichtin. D'accord. Qui est très, à la fois très courante et très pratique à employer, surtout pour les gens qui apprennent le breton, c'est très facile, hein. Puisqu'on peut par exemple dire « miblichtin » et mettre n'importe quel verbe derrière. Donc ça peut être... Un verbe à l'infinitif. Verbe à l'infinitif, voilà. Alors ce verbe « plijout », c'est un verbe qui vient du latin, donc « plaquere » en latin, qui a donné d'ailleurs un mot très voisin en italien, « piacere mm-hmm. ». Et qui a donné le français « plaire », et aussi, bien sûr, le breton « plijout ». Et donc, c'est un verbe dont la base verbale est « plij », et le participe passé, donc c'est « plijet ». D'ailleurs, le participe passé, par les néo-bretonnants, est souvent employé. On dit « plijet on bet », alors que les anciens bretonnants n'utilisaient jamais cette forme-là. Donc, ça a donné aussi des dérivés, comme « plijus ». Plijus qui veut dire agréable, hein, plaisant, on a aussi ça, hein, et plijadur, bien sûr, qui est un mot dont on a déjà eu l'occasion de parler. Alors également le contraire, displiche, hein, displijout, et voilà, déplaisant, déplaire, voilà. Alors cette utilisation de la forme miblichtin, on pourrait traduire ça, c'est la forme passive qui correspond en fait à j'aime, hein. Mm-hmm. Au lieu de dire mi égard, on va dire miblichtin. Donc c'est une forme qui en français était très utilisée autrefois, qui a pratiquement disparu. Il me plaît de, c'est un peu désuet aujourd'hui d'employer il me plaît de, quoi. Mais ça a subsisté dans s'il vous plaît, hein, s'il vous plaît, et en abrégé SVP, hein, c'est très très répandu, quoi. Mais en français, on l'utilise très rarement sous cette forme il me plaît. Hein, c'était une formule qui convenait un peu au roi autrefois, mon bon plaisir. Hein. Disait Louis XIV, hein. Et aujourd'hui, alors on trouve ça dans d'autres langues, hein, cette façon de faire comme en breton, on trouve en italien par exemple, mi piace molto, hein. On entend souvent ça, il me plaît beaucoup de faire ça, ce qui est une forme passive pour dire j'aime. Et en anglais, on trouve ça aussi, please, hein, quand on dit c'est la même chose, hein, s'il vous plaît. Voilà. Alors, cette forme a aussi un contraire, hein, ne blichketin, hein, et ou alors une forme restrictive, hein, netra ne blichtin mi, hein, qu'on emploie c'est souvent. Bon café. Netra ne blichtin mi, veldor bon café. Et j'ai entendu dernièrement une chanson, alors je ne sais pas qui la chantait, parce que c'était sur RKB, et ils n'ont pas donné le nom après, qui reprend cette formule aussi. Netra ne blichtin mi, vel, rien ne me plaît autant. Que. Alors cette forme miblichtin, on va l'employer soit avec un verbe, soit avec un nom. Par exemple, on va dire miblichtiner hafe, j'aime le café. Miblichtiner zubentom, j'aime la soupe chaude. Et on va l'utiliser aussi avec un verbe. Et là, c'est très pratique. On peut dire miblichtin oberze, miblichtin mont de val et war armes, miblichtin koms brezon de grande mer et yong. Voilà, on va retrouver ça, quoi. Alors, donc la forme négative, ne blichketin, hein, on la trouve, par exemple, dans le poème d'Angela Duval, hein, de Gavant que de Plijus, elle dit, ne blichketin bud hanvet bars, hein, ou baisant hanvet bars, je n'aime pas être appelé poète, hein. Me vichereuse au bé de visquoise trois rangs de buzuc, car mon métier, ça a toujours été de couper les buzucs, pour dire, faire de l'agriculture, en fait, trois rangs de buzuc, quoi. Donc, et on trouve, et tout le poème reprend cette phrase de tout ce qu'elle n'aime pas, en fait, quoi. Ne gravons que plus juste, et elle donne les raisons, quoi. Une voilà. Chanson de Nolwenn Corbell aussi. Oui, c'est certainement celle dont je te parlais. Voilà, c'est celle-là que j'ai dû entendre. Alors, je ne savais pas si c'était Nolwenn Corbell. Ça doit être ça. Voilà. Eh bien, plus je radine, on a braden ganar. Et on va s'arrêter là-dessus. Donc on passe à la deuxième partie d'émission, Brezhonek t'en m'attends. Brezhonek t'en m'attends. Yeah. Deuxième partie de l'émission Inter Brezhonek. Donc aujourd'hui, c'est la rentrée. C'est pas tout à fait la rentrée, elle est passée, mais c'est l'époque de la rentrée à Zantôle, comme ailleurs. Et donc Lannick, qui travaille à la radio, est allée, Pau de radio, hein, est allée interviewer Nolwenn, qui est l'institutrice. Nolwenn Talek, qui est là depuis 2 ou 3 ans maintenant, qui a remplacé Madame Nedelec. Oui, la femme de Job Nedelec. La femme voilà. De... Et Ronan Du a remplacé Job Nedelec. Alors, il y a 2 classes. Il y a 2 classes, oui. Alors on les écoute. Salut Nolwenn. Ma de jeu, Gonard. Ne ce que de glem, Lannick. La retinta, Nolwenn. Hat krogelier skol basantole. Fait ya vat. Vel l'erel, vel juste. Oui, dimers. Ya, abuga à les eaux. Ah ya, tous de hanter cronazo. Rivraz à Révien. Ya, mais normalement, nous qui school vend. Ah, ya, on est RPI, Ezo. Ya, la plus derrière, maman. Juste mad, à school vend, mais pas plus derrière, à school qu'un temps des restes, bas en tôle. A raison de vos grès de blanc moroise. Ya, terre, braison nec, vos grès de babzune. Rendant du, à avoir droit à braison nec, à mer, à avoir droit à son RS, à Ganarzou, vite tout la vue galée. A zoz ne vos grès d'y Ya, vidare CM Dao, regret zonznek. Un heure bedzun, ganner plar, deux brossos, au chôme bazantolek, à bedesket gantir brezonek. Mais deux d'over trois school, me peu soin. Dorme là, hein? Oui. On reprend? Oui. Donc, on va traduire un peu tout ça, quoi, hein, ce dialogue-là entre Nolwenn et Lannick. Un distro school. Oui, donc la rentrée de l'école. Salut Nolwenn, madame Jogonner. Oui, salut Nolwenn, comment ça va? Ne ce que de glem, Lannick? Oui, ne ce que de glem, alors il n'y a pas à se plaindre, ouais. Formule courante. La redinta Nolwenn, at kroeger school bazantolek. Donc dites-moi, parce qu'il la vous voit, hein, dites-moi de, comme on fait partout ici, à Zantolek, à Pemrit et à Tremargat. Dites-moi, Nolwenn, l'école est recommencée à Zantolek, hein, reprise à l'école. Hein. Feyavat, Vellerel et Veljust, Boedimers. Ah oui, c'est sûr, hein. Feyavat, hein. Comme ailleurs, bien sûr, depuis mardi. À Bugale, Azo. Et il y a des enfants? Ya, tous de Hunter Khan, Azo. Oui, il y a environ 50. Révraz à Révillon? Oui, des grands et des petits. Ja, mais normalement, nous que school vend, bah Plouderien, non. Oui, mais ici, il n'y a pas d'école maternelle. Elle est à Plouderien. Ah, il y a un RPI, Azo. Alors, un RPI. Oui, il montre qu'il connaît bien le milieu scolaire. Il dit, ah, il y a RPI, Azo. Mais les gens de la radio, il faut se voilà, il y a RPI. Voilà, j'ai compris qu'il veut dire quoi. Voilà. Juste, ma, Arscol, vend, Mazo, va Plouderien. Agarscol, Kentanderes, Bazantol. Oui, voilà, exactement. Donc, l'école maternelle est à Plouderien. Et l'école du premier degré, l'école primaire, est à Santol. À Brézonnec, vous grez l'herbe blamant. Voilà. Et du breton sera fait aussi cette année. Roise. Hein, encore, oui. Il y a Terreur Brézonnec, vous grez, Bebzune. Voilà, oui, on fera 3 heures de breton chaque semaine. Renandu, Ara Wardro, Brézonnec. Voilà, Renandu, Ara Wardro, c'est-à-dire il s'occupe. Hein, façon de. C'est un bretonisme hein, très. Très connu, puisque même en français on le dit, fait retour, hein. Celui-là fait retour des bêtes, voilà. Donc Renandu s'occupe. Voilà, français de Peubrit. Renandu fait donc s'occupe du breton, donc il se partage le travail. Un meilleur avoir droit à son RS, à Grand Arzou, vu tout d'Arvugalé. Arzouker, non? Non, les arts en général. Hein. Donc, et moi je m'occupe de la musique. Et des arts pour tous les enfants. Donc à ce moment-là, ils échangent leurs enfants. À Sonsnec, Végret, il est. Et on fait de l'anglais aussi. Il y a. Vidar et CM2, Végret, Sonsnec. Voilà. Oui, pour ceux du CM2, on fait de l'anglais. Une heure, Bebzune. Voilà, une heure par semaine. On a replat de Brossos. Donc, par une dame venue d'Angleterre. Au Chomba Zantolek, avec des skates gantières, Brézonnec. Voilà, qui habite à Zantolek et. Qui a appris le breton. Et ça existe, c'est vrai. À Zantol, mais même ailleurs. Un peu mérite aussi. Oui, oui, il y a aussi. Mais deux d'Ambertoire, school, ma peu soin. Mais venez donc faire le tour de l'école. Hein, donc, visite de l'école hein, pour la prochaine fois. Et l'Ornique répond, dans Neuil, voilà. Il est toujours d'accord. Voilà. Bon, eh bien, on passe à la troisième partie. Voilà, Pétrazonner vers vous. Troisième partie d'émission, c'est Thierry Pétrazonné Vervro. Pétrazonné Vervro, calzadrao et veljus bouervige diouzan. Krogon ne dient en vel custum grandala bourdoua. Eruon bremon ba fine nan, ba mis gwen golo pelar in mat, hag waler pardon bulan herve oregos bopet, de spep tout tagouet, de l'arade vos glo hag arvel. Amman ba vro, ne que bir eval un amzor viden trevadou. Sterloir et ben memestra zeri vwen, mais yor de zo bed par de nan de beurig gant de lonet, hag ne de zo bed zer en manoir. Met, neus ke be, ne ke be kont de dis, pe velar d'un trao velmoñ, pe vler war ur bed, da skouer ban Amerik zo bed ur zer ur spontus, hag prisonné d'Enan Zoet de Kazwarog war Marat Chicago. C'est us du roi, vos ul prisonné war Marat ur bid, ur blamant, hag evel juste vos ive ul pris ur bouet londet, da square pris ur bouet mort evel juste. Nevesso, oa bezavet ur gevridigez neve, hag zo hanvet, labourer yon dou ar breiz, galage agriculteur de Bretagne. A pal ar gevridigez, e diven micher e labourer yon dou ar, hag iskeudan, pez velaret, galage vraiment limaj. Gerstur ar gevridigez e, galag, agriculteur de Bretagne, bien plus que vous nourrir. Hag du roi peus begwell deja, ur bruder eus vise ba ze gazete nou. Klaskera ur gevrilig ese, diskwez pez amod ve ged labour dou ar hudun de, pez se labour ve gret gant e labourer un dou ar war dro en trevadou hag e lonet, a pez ur mod ve de douche de bremañ deus un en dro, de l'ar a de benefin zevel ur skeud neve deus un vichan. Hag evel just evel er mat zo begret d'or logo vize, zo bekroue d'or logo, gant un erminik, hein, vidur un erminik e, ar oez breiz. Kaz eureuz zo bet bavro gant afer un mahadour hir, dou, hag nanke de gom skalz de se hudu, met waler vo hat gom de se, pe vo skler er an trau, ka bet a bremañ ne ke gwal skler an trau. Adam bremañ war dachen un endro ma peusoan. Kom ze me star ba misevel ma kom ze tar deus em vod rio oa bet zav de ugen lao a l'air nini diantan ba rio evel just hag neus ket deus kaz ze dra mez deus un afer ze jiwaz hag ma trezen vo tro de gom de se oaz ar vech peneket vichon montan moa dachen un endro ne veso nel peo gevridig ez ra oa dro en leunet vid gwarez in neunen ma peswan, en eus lidet idea bla, kant vlaso a bekrouet, ur bla 1912. Hag evidinori e labour zo begret gant un LPO, ur post, neus imbandet pevar dim, gant skedenou eunet warne. Hag war onan deuse ve gwell ur boran, goudret petare ur boran, eso, pez velard ur perroket mor, ur perroket mor, ya, makare moan, juz ba, ya. Hag zo un tamm velo perroket. Hag war enez rouzik zo war dro daou hant goublad boran a dis. Hag evel just ar en zo eune d'ar an toul ban douar. Bon, eune d'ar zo an arwe zo un tamm deus un LPO benefin. Zur war pe on chom war un endro ar peus betro de glev Patrick Pustor o komz de war vagen ou ar kabe. Hag hemañ zo labourad un dro de l'anneil ar Lambern a Gronvel, a nevezo zo begret o vignogen e vi bale kreiz de l'anneirien, vi tout un dud, mam eus un dud an pechet, ma trezen peus begwell ze, ba Gronvel, hag e brad evel. Bon vijen amzer, bon tandar, ivez deus nen kreiz breiz, nen broad kant pevar a trugen, galag RN164 a trovet dur vez un amzor ve gael un tamm zaitous ek desei hag benefin ma trezen vo gret vo echuet hag ar zo gret un tamm zaitous ek el roaz o nantor le pe daou gilomen ma peusran en dro de zan me taz de rand un hag bon tamm a tamm hal tro warog ma mestram hag dam bremañ un tamm wardach en eus evenadur. Nevesso oa et nanan le Edouard Rebillet, oa medsin, zo bet pad pel medsin ba kalak, pad c'hwer la atreg an pelar in mat. Hag un vegel, moa komze de ze ban abaden, med lonke oa bet ur penad gant ur nior ziater, a set ur retin radlaret. Ya, Edmond Rebillet oa bet gant ba plo ermel, e bla milno han c'hwer war nugen, pelar in mat, hag setu oa c'hwer la a pevarugen. Hag gant oa ba plo ermel, pudur ivan oa ur skol ba plo ermel, hag idad oa pod un tai ba boulvriag. Hag bon tramen eus yo ankiz ba boulvriag a ba gwenma, hag oa l'er an eus gred i studi medesin. Hag pen oa gred i studi medesin, oa et an on stai an de bakalak, ba blaonan a hanterkan, hag mo chomme de medecina kal je dit de ce vro ne sbi en avenant hag en mon rebillé ne sgret kal je dro evidor vro hag vid un touriste les bavro pu dur crédit are ou en homme genre de zone vidor vro en la re en ar guatneus au nom genre de zone kal je dit au rond cuite mais en vro dispar et pe sogui en bénéfice en ne ce que mesel a d'un dro dim en bon dispar hag crou en niwa ur strolad vid un touriste les ba blan mil no han trug a krog de skriv o leverio war evro on tam lever ni wa gred war kalag hag tro a dro hag wa ler neus be skriv o bern tro da skwer neus skriv de montadon war roudou skriv an er yen odou en arvor ze wa itinerer literer an argoat hag azin neus komz de skal ze skriv an er yen a hendel neus bet skrivet pezio c'hoari hag hendel romanchou vel un diol zo mar ba burtul zo ranav et tre pe dur blij e burtul tan a goulen ni oa bout inter ba burtul da pe so be gret hag ivrek so ba burtul da ive l'argoat secret autour de Guingamp hag ya l'argoat secret autour de Guingamp neus bet skrivet hag kalz a drawel hag gret neus kalz Brezegen ou hag kasen dut val e au bern trog neus gret, pad ez oan den hag labouré au bern vid evro. A jongeré, ma trezen vije betu d'ober ur mirdi belefin war tout bin vidig zo ban ar gwat. Bon zene ke begren, me ma trezen ur vechpenek vo gret. Pidur pe ve c'hadet ur granen vej a weti oan oa l'air, pel oa l'air. Bon, pidur an komz de studet de nanan, Roarez Lozar fin à Zéphirine, zo en eveso de Nanan, comme je vois de Zé déjà, mais quand le débit de Gandhi Nurziator, on de Halar, à Zé. Mais je qui dit de Nurziator. Gé, mais vejo, velon que trop grand temps, warank que Perec, trop ma displige à de Nurziator, ma treize, en warank. Hag un di warz zo bet gwell a dalize kand o ba fechtounon, j'en dro de boulot en a de garez, hag bon bremañ en yet de nanang zo raz o plijad ur gante ba nanang de gant e non ve kant ma hat oa anket hag o han rel de ze vro oaz jan le meud de ze brogwen et zo han ave ma zo en ne veso de nanang oaz bon chom an montan bremañ oa dach en eze venadur kal ze staj oa zo begred ur blam oaz evit diski brezon eug den dut da skwer staj KEAV kambetre gelti gevrezon e gerien hez e kos an hin izo hag oa ba kastelin ba skol lor bordouar staj ouel zo begret gant roudour gant stumdi gant skol en emzav staj ar vals oa ba bioui en dour blaman bleuzi lezo galag a oa ler an dristro skol bremañ hat krog o geridig ez dor ber kentelio brezonek vel vegret amme gant batal en dour o vej zun ma trez en vo mur dut blaman l'art de rendre des mondes, plus je sais. Bon, Hendel, war dach en brezon de gezo, tielo ma, tielo val, beb sort, kleve meus vo gret un nenten diouyez bakalak, pe so bra, me mestra, ayor, digor et vo, l'air elve et balouan ne ge tresse fal ar entro, puis dur, kuzul ar barouz, ne se divise et benefin, rei lam de diouan, zo trist un tamp, Bon, trou hao a rog, trou hao a dre, gwell em eus ba karez oa kude, no c'hoaz gant liver levrik fami, pe dior vi je gret levrik fami gal hag vrezon, hag benefin, varnerien eus lard oa ze mez a lezen, bar mod oa beg vote d'or lezen pa d'un dispar oa ze, ma trez en oar, gwell et vo pe sa mod, gwell ar en trou hao a rog, d'an hao a dre, zezo vel un tango, un tam ma peswant. Alors pas un rogue à tout, pas un drink quoi. Bon, c'est un temps de spéçonner à Bavro, avec Benvegel, vos comptes roises. Quelle heure? Ya, tu es Norvegel, ya. Yeah.